Six Chronicles. 2012. Ça y est, c'est l'heure d'être con, je suis sérieux. Si je vois de la merde, je plonge en faisant un saut périlleux. Me touche pas, t'as l'air d'une pute vue de l'extérieur. À part ta chenèque, y'a rien de profond, y'a plus rien de mystérieux. Tout star et attends si tu veux parer la jambe, je vais te casser la jambe, fils, t'aurais dû te parer avant. Va-t'en, tu sais le game, c'est pas assez grand. Cousin, c'est comme ta meuf, j'y vais sans rien. Mais j'aime retirer, attends, je l'aurais parié sans tisse, bah je vais pas y arriver. Quand je dis tout droit, c'est à côté. Quand je mets sur le 3, c'est le chiffre d'après. En 2011, j'étais pas prêt, en fait, je suis toujours pas, j'appréhende le lendemain de soirée, ne pas mon rap d'enfoiré. Yeah, allez, check avec un cran d'arrêt. Moi j'ai ma pité, mon faux taré, c'est suffisant pour t'emballer. Ta clique ici, c'est clean, je kiffe ma voix et calé. Chez toi, c'est poussiéreux, apprends déjà. Pas c'est balé, hein. Je m'en balais, touche à tes couilles et m'en sont pas les pattes. Ici c'est le 0 de ces 5 qui palais, palais, ah. Enculé, je vois pas l'intérêt de me tester. Je suis blanc, je fais du rap depuis 15 ans. Je suis grand, t'as vu. Tu veux de la précision, MC banalisé, délocalisé, 0 de 7, 6, 0 busy. Je réponds pas, je réponds jamais, je brave tous les interdits, c'est grave. Mais ça rend la vie un peu moins merdique. Je fais mon cinéma, c'est check, Hollywood man. Je te souhaite la bienvenue chez moi, je te souhaite un good game. C'est 1 pour ma queue, 2 pour ma vodka. Pour niquer le score sans vodka, Soska. Je fais mon cinéma, c'est check, Hollywood man. Je te souhaite la bienvenue chez moi, je te souhaite un good game. C'est 1 pour ma queue, 2 pour ma vodka. 3 pour niquer le score sans vodka, Soska. C'est l'onde de choc, ça sera de pire en pire jusqu'au décès. Si je baisse mon froc, c'est que j'ai besoin de baiser, tu le sais. Et rapper sexuel, textuel, je sais que tu aimes. Appétit ascensionnel, je sens que tu veux l'accentuer. T'as écouté mes sons, tu m'as trouvé bon. Le rap m'a saoulé, je suis là depuis Paris sous les bombes. Hors tendance, il y a 10 ans, je faisais déjà de l'électro. C'était trop tôt, du coup, ce que j'entends sonne un peu rétro. Maîtrise la technique avant de me parler. T'effacer, rajoute un effet sur ta voix, je te dirai. T'es déjà fait. Cache des rimes, des assonances, tes cassures. Et double sens, ajoute des césures, enfin un vite, si tu dis ce que tu penses, articule un peu ton flow pour que ce soit présentable. Je suis un de ces rares MC à kicker sur ses instrumentales. Et si un jour t'entends ce putain de son, c'est que t'es dans la caisse de ton pote et qu'il a mis ça à fond. Je fais mon cinéma, c'est check, Hollywood man. Je te souhaite la bienvenue chez moi, je te souhaite un good game. C'est 1 pour ma queue, 2 pour ma vodka, 3 pour niquer le score sans vodka, Soska. Je fais mon cinéma, c'est check, Hollywood man. Je te souhaite la bienvenue chez moi, je te souhaite un good game. C'est 1 pour ma queue, 2 pour ma vodka, 3 pour niquer le score sans podcast, Soska.